j'ai fait ce que j'ai pu. Aucun parti à défendre. Choisis ton camp, j'ai la recette, perdons pas de temps. On fait comment? J'ai la recette, on fait comment?